Chapitre 4. Un stratagème. Quand le maître d'hôtel lui eut fait parcourir tout l'établissement, et sans songer à mal, lui eut donné en cours de route une liste complète des autres hôtes et de leurs chambres, renseignements aussitôt enregistrés par une mémoire fidèle, Lagna choisit, au second étage, la chambre voisine de celle qu'occupait Rodi. La considération déterminante de ce choix fut comme de juste que dans cette position, il serait en mesure non seulement de tenir l'œil sur l'homme de Scotland Yard, mais aussi de juger si oui ou non Rodi était décidé à tenir l'œil sur lui. À cette époque, Lagnard possédait une confiance admirable en lui-même. Il n'avait pu jouir aussi longtemps qu'il l'avait fait de l'impunité propre au loup solitaire, sans acquérir une robuste foi en son étoile, jointe à quelque mépris corrélatif envers les espions de la loi et leurs méthodes. Contre le danger inhérent à ces dernières, néanmoins, il se tenait en garde, et il jugeait le pire défaut de l'armure, cette disposition de la pègre à sous-évaluer l'intelligence de la police, disposition grâce à laquelle trop d'autres jeunes aventuriers d'avenir se faisaient prendre chaque année dans le piège tissé par leur propre outrecuidance. La souris peut bien, si elle veut, mépriser le chat et voir en lui une brute épaisse et sanguinaire, dépourvue d'esprit et d'imagination, un simple cas de force majeure. Mais cette souris même n'ira pas délibérément rôder à portée du chat. On a beau dire et beau faire, un coup de patte est un coup de patte, et il suffit à abolir tout l'esprit le plus sage des souris. En songeant à Rodi, Lagnard s'avouait incapable d'évaluer les bornes de cette intelligence tout à fait britannique, c'est-à-dire aussi renfermée qu'un appartement londonien. Mais il y avait ceci de certain. Rodi ne songeait pas exclusivement au bœuf et au stout. Il ne se laissait berner aisément par personne. Il était capable de faire un raisonnement correct, tout autant que d'asséner un bon coup. En se remémorant la scène du restaurant, Lagnard se crut assez fondé à penser non seulement que Rodi s'intéressait à de Morbihan, mais que le Français avait pleine conscience de cet intérêt. Et il regrettait fort de ne pouvoir aussi bien croire que le comte, par son bavardage au sujet du loup solitaire, avait simplement cherché à détourner l'attention de Rodi vers un gibier de plus haute importance. Il était à la rigueur possible qu'en identifiant Lagnard avec ce mystérieux personnage, du moins par allusion, de Morbihan n'eût pas d'intention particulière. Mais Lagnard avait peine à l'admettre. Ces deux problèmes le troublaient fort. Primo, de Morbihan savait-il, soupçonnait-il simplement, ou avait-il lâché à l'aventure un trait que le hasard avait porté au but? Secondo, Rodi avait-il été sensible à cette suggestion, ou avait-il, avec son ingénue ténacité nationale, écouté avec impatience ou incrédulité ce genre d'échappatoire et persisté à concentrer ses opérations sur les faits et gestes de Monsieur le Comte Rémy de Morbihan? Quoi qu'il en fût, on ne manquerait pas d'être éclairé quelque peu avant longtemps. Le devoir d'un limier est de suivre la piste, et tôt ou tard, Rodi finirait à coup sûr par faire un mouvement qui indiquerait où allait réellement sa curiosité. Pour l'heure, à en croire les bruits perçus à travers la porte fermée qui donnait sur la chambre voisine, le devoir d'un limier semblait être de se coucher. Lagnard, tout en se rasant et s'habillant, pouvait entendre distinctement une voix monotone chantonner. « Dans notre rue, Sally !» et ponctuant l'audition, la chute successive de deux objets pesants, suivie d'un soupir de soulagement lorsque Rodi se débarrassa de ses bottes, bruit auquel succédèrent le tapotement d'une pipe contre la grille, le grincement d'une fenêtre qu'on ouvrait pour l'aération, le déclic d'un commutateur et le craquement d'un sommier. Pour finir, et avant que Lagnard eût achevé de s'habiller, l'homme de Scotland Yard se mit à ronfler paisiblement. Bien entendu, ce pouvait être une feinte, car Lagnard avait pris soin de faire savoir à Rodi qu'ils étaient voisins, en annonçant son choix à voix haute tout près de la porte de communication. Mais sur ce point, l'aventurier voulait en avoir le cœur net avant de sortir. Il était à peine minuit quand le miroir de la toilette lui assura qu'il était enfin irréprochable dans le costume et la démarche d'un élégant gentleman en balade nocturne. Mais s'il approuvait le personnage qu'il faisait, c'était surtout parce qu'il aimait à porter l'habit et que le sien lui allait à merveille. Car, de celui qui portait cet habit, il se sentait alors un peu moins sûr qu'une demi-heure plus tôt, et son regard était morne et méfiant. Bref, il subissait une détente après l'excitation dû à ses exploits d'outre-Manche et à son exode réussi, et aux circonstances insolites ayant accompagné son retour à ce mausolée où s'attardait le souvenir de son enfance malheureuse. Un frisson même le parcourut, comme au pressentiment d'un malheur, et il se demanda avec accablement « Pourquoi pas ?» Car, en bonne logique, une interruption dans le cours de sa chance eût été normale. Jusque-là, il avait joué avec un succès quasi invariable son rôle double, le jour de sympathique amateur d'art, la nuit d'être un mystérieux rôdant invisible et fondant sur sa proie sans défiance. Pouvait-on raisonnablement s'attendre à le voir toujours favorisé d'un tel succès? Devait-il prendre le bavardage de deux Morbihans pour un avertissement? La noire, à la longue, doit sortir aussi souvent que la rouge. Aucun joueur ne l'ignore. Et Michael Lagnard était-il autre chose qu'un vulgaire joueur qui sans cesse misait sa vie et sa liberté sur les coups aveuglément impartiaux du hasard? Avec un dernier regard circulaire pour s'assurer qu'il ne laissait rien dans le désordre intentionnel de sa chambre, capable de l'accuser si on y perquisitionnait en son absence, Lagnard s'enveloppa d'un long pardessus, se coiffa d'un chapeau de soirée et sortit en refermant la porte à clé avec bruit. Il eût pu, aussi bien, la laisser grande ouverte, mais cela ne nuisait pas de faire semblant d'ignorer que les clés des chambres de l'hôtel Troyon étaient interchangeables, et toujours les mêmes d'ailleurs, qui avaient servi à l'époque de Marcel l'infortuné. Une unique et faible ampoule électrique perçait les ténèbres du corridor. Une autre pareille faisait une tache de lumière dans l'obscurité de la cour. Les carreaux de la loge eux-mêmes étaient noirs. Néanmoins, Lagnard y frappa vigoureusement. « Cordon, s'il vous plaît » demanda-t-il d'une voix forte. Un grognement de mauvaise humeur lui répondit de la loge. Puis, le pin de la serrure se déclencha au fond du vestibule. Marchant à tâtons dans la direction de ce dernier bruit, Lagnard trouva une petite porte latérale entrebâillée. Il l'ouvrit, puis hésita une minute en regardant au dehors comme s'il examinait le ciel. En même temps, ses doigts experts repoussaient le pêne et le bloquaient au moyen d'une petite lamelle d'acier. La pluie avait cessé depuis une heure, mais le ciel restait chargé de nuées menaçantes et les trottoirs étaient d'un noir d'encre. La rue était déserte et mal éclairée, mais un bref coup d'œil explorant les ombres du voisinage, Lagnard put se convaincre qu'aucun espion ne s'y cachait. Il franchit le seuil, claqua la porte et se dirigea vers le coin, comme pour gagner la station de voiture qui s'aligne dans la rue de Médicis, le long des jardins du Luxembourg. Le bruit de ses talons résonnait allègrement dans le calme de l'heure. On pouvait fort bien l'entendre s'éloigner de la maison Troyon. Mais, au lieu de s'arrêter à la station de voiture, il tourna au premier coin, et puis encore au suivant, contournant ainsi le pâté de maison, et bientôt, comme il se rapprochait de l'entrée de l'hôtel, il s'arrêta dans l'enfoncement obscur d'une porte, et, soulevant un pied après l'autre, adapta à ses talons des garnitures de caoutchouc. Après quoi, nul bruit ne décela plus sa marche. La petite porte céda sous sa poussée, en silence. Une fois à l'intérieur, il la referma doucement et resta une minute, tous ses sens aux aguets, l'imagination en éveil. Mais il ne perçut pas le moindre mouvement dans toute la maison. Une ombre n'aurait pas fait moins de bruit que lui, tandis qu'il se glissait à pas de loup dans la cour, puis dans l'escalier, évitant par une sorte de prescience chaque marche qui eût pu gémir sous son pas. En un clin d'œil, il fut de nouveau dans le corridor qui menait à sa chambre. Il était tout aussi obscur et vide que 5 minutes plus tôt, à la différence toutefois de quelque chose dans son atmosphère qui lui fit hocher la tête en voyant ainsi confirmer le soupçon qu'il avait ramené aussi furtivement. D'une part, Roddy avait cessé de ronfler, et Lagnard sourit à l'idée que l'homme de Scotland Yard aurait pu avec profit emprunter au pauvre Bourke l'art de ronfler tout en étant aussi éveillé que possible. Ce ne fut naturellement pas une surprise pour Lagnard de trouver sa serrure ouverte et sa porte entrebâillée. Il s'assura du bon état de son revolver, s'avança dans la chambre et referma la porte tranquillement, mais non tout à fait sans bruit. Il avait laissé les stores baissés et les rideaux tirés aux deux fenêtres, et comme on n'y avait pas touché, il régnait dans la pièce une obscurité quasi absolue. Sitôt entré, ses doigts s'étaient emparés du commutateur au mur voisin de la porte, mais il s'abstint de faire la lumière tout de suite, dans le désir espiègle de s'amuser à voir ce que ferait Roddy lorsque la tension deviendrait insupportable, même pour ses nerfs exercés. Plusieurs secondes s'écoulèrent sans que le moindre bruit vînt troubler le silence. Lanière lui-même s'impatienta un peu en constatant que sa vue ne s'accoutumait pas aux ténèbres. Elles étaient si complètes qu'elles pesaient sur ses globes oculaires comme un fluide noir d'une opacité imperméable aussi épais que le silence lui-même. Il ne bougeait toujours pas. À coup sûr, Roddy ne serait pas capable de soutenir bien longtemps cette attente. Et en effet, le silence fut brusquement interrompu par un bruit singulier, un cri d'effroi étouffé qui tenait de la plainte et du sanglot. Lanière lui-même sursauta. Ce n'était pas la voix de Roddy. Il y eut un bruit de pas assourdi et confus, comme si quelqu'un s'élançait en hâte vers la porte, puis s'arrêtait effrayé. Des paroles t'y succédèrent, les plus étranges qu'il eût pu imaginer, des paroles prononcées d'une voix douce et tremblante. « Miséricorde, qui êtes-vous et que voulez-vous » Abasourdi, Lanière alluma l'électricité. À une distance de 4 pas, il vit devant lui, non Roddy, mais une femme, et non une femme quelconque, mais la jeune fille dont il avait fait la connaissance dans le restaurant.